Son viseur, il a fait. Il allait sur tout le monde comme ça. Il y a des chiffres verdins. Ouais.